Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 22. De la providence de Dieu. Il y a une providence, à laquelle tous les êtres sont soumis. 1. La providence convient-elle à Dieu? Ô Père, s'écrie le sage, vous gouvernez tout par votre providence. Sagesse 4.3. La providence, en effet, est nécessairement un attribut de Dieu, car tout ce qu'il y a de bien dans les créatures vient de lui, et les choses tirent leur bonté non seulement de leur substance, mais encore de l'ordre qui les met en rapport avec leur fin et principalement avec la fin dernière. Dieu, qui a établi ce rapport des choses à leur fin, en a nécessairement la raison dans son entendement, et voilà justement ce que l'on appelle la providence. La providence, a dit Boès, est la raison du suprême administrateur disposant toutes choses, les parties dans le tout pour la fin. Note. La providence embrasse deux choses, la raison de l'ordre qui met les êtres en rapport avec leur fin, puis l'exécution de cet ordre, que l'on appelle le gouvernement divin. Fin de la note. 2. Tout est-il soumis à la providence? Dieu, dit le sage, atteint avec force d'une extrémité à l'autre et dispose tout avec douceur. Sagesse 7.1. Parmi les adversaires de la providence se trouvent d'abord les épicuriens, qui font du monde l'œuvre du hasard, et ensuite tous les impies, qui disent comme dans Job, Dieu se promène sur la voûte du ciel sans se soucier des choses d'ici-bas. Job 22.14. Il est certain que la providence divine embrasse non seulement toutes les créatures en général, mais encore chacune d'elles en particulier, puisque tout ce qui possède l'être a nécessairement reçu une fin et tombe par là même dans son domaine. N'est-ce pas ce que nous apprend l'apôtre quand il dit « Tout ce qui vient de Dieu a été disposé avec ordre » Romains 13.1. Note. Pour Dieu, qui est la cause universelle, il n'y a rien de fortuit. L'effet que nous attribuons au hasard, parce qu'il sort de l'ordre d'une cause particulière, rentre, par la cause universelle, dans les voies de sa providence. Ainsi, par exemple, quand deux serviteurs, envoyés l'un d'un côté, l'autre d'un autre, regardent comme un effet du hasard leur rencontre au même lieu, cette rencontre, en apparence éventuelle, peut avoir été prévue par leur maître, qui a dirigé leur course. Mais, dira peut-être quelqu'un, le mal existe dans le monde, si Dieu n'a pu l'écarter, sa toute puissance disparaît, s'il ne l'a pas voulu, sa providence ne s'étend pas à tous les êtres. Je réponds que Dieu, pour assurer la perfection de l'univers, a dû souffrir certains défauts dans les êtres particuliers, car, en bannissant tous les maux de ce monde, il aurait réduit la somme des biens. Le lion vivrait-il sans la mort des animaux? Sans la persécution des tyrans admirerions-nous la constance des martyrs? Dieu, selon la remarque de saint Augustin, ne laisserait pas le mal dans ses ouvrages s'il n'était assez puissant et assez bon pour en tirer le bien. Il veille spécialement sur le juste et ne permet rien qui puisse empêcher son salut. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 25. Comme le libre arbitre rend les créatures raisonnables maîtresses de leurs actes, Dieu les gouverne par une disposition particulière de sa providence, il leur impute leurs actions volontaires à mériter à des mérites, et il leur décerne des récompenses ou des châtiments. Fin de la note. 3. La providence de Dieu s'exerce-t-elle immédiatement sur tous les êtres? Celui qui a créé le monde par lui-même, dit saint Grégoire, le gouverne lui-même. Quel autre gouverneur que lui-même Dieu a-t-il établi pour veiller sur la terre? Demandait Job, où est celui qu'il a placé au-dessus de ce monde formé par lui-même? Job 34, 13. Il y a, comme nous l'avons dit, deux choses à considérer dans la providence, la raison même de l'ordre qui met les êtres en rapport avec leur fin, et l'exécution de cet ordre, que l'on appelle le gouvernement divin. Sous le premier rapport, la providence s'exerce immédiatement sur toutes les créatures, car Dieu les connaît toutes, jusqu'aux plus infimes. C'est lui qui a donné aux causes la vertu de les produire, et il a dans son intelligence l'idée de l'ordre qui les enchaîne. Sous le second rapport, Dieu exerce sa providence médiatement, en gouvernant les êtres inférieurs par les supérieurs, non qu'il ait besoin d'intermédiaires, mais pour donner à ses créatures la dignité de cause. 4. La providence rend-elle nécessaire ce qu'elle préordonne? La perfection de l'univers demandant que la création renferme tous les degrés de l'être, la providence a dû préparer des causes nécessaires aux effets qu'elle voulait rendre nécessaires, et des causes contingentes aux effets qui doivent arriver avec contingence. Ainsi, quand Dieu a décrété qu'une chose arrivera nécessairement, elle arrive nécessairement. Et quand il a voulu qu'elle fût contingente, elle arrive contingemment. Note. Nous faisons librement sous les yeux de Dieu ce qu'il a prévu que nous ferions librement, et nécessairement ce qu'il a prévu que nous ferions nécessairement. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020. Extrait du tome 1er. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.